et celui qui veut patienter avec nous dans cette assise, nous allons nous rappeler un certain domaine qui est le domaine le plus important, le plus noble, l'étude de la croyance et l'étude des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelques règles relatives à cela. Et pour ce faire, je vais prendre le livre du grand savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, lahu kitab asmahu al-qawa'id al-muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna. Al-Sheikh Muhammad ibn Al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, qui est un grand savant de notre époque, un grand savant contemporain. Et il a de nombreux livres. Il a de très nombreux livres. Et on le surnommait Al-Allama Al-Mufannan, le grand savant qui a atteint un haut niveau de science dans beaucoup de matières. Tu trouves beaucoup de savants, mais beaucoup de savants qui ont atteint un niveau très élevé dans beaucoup de matières. C'est-à-dire, c'est comme si sa spécialité était multiple. Tu ne trouves pas beaucoup de savants contemporains ayant excellé comme il l'a fait lui par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se nomme, sa kunya est Abu Abdillah. La kunya de Muhammad ibn Salih al-Uthaymin est Abu Abdillah. Et wa taymi, intasib ilayhim, il est né à Unayza. Et il est né la 27e nuit du mois de Ramadan. Il est né la 27e nuit du mois de Ramadan, en l'an 1347. De l'Égypte, en l'an 1347 de l'Égypte. Et il est sorti d'une bonne famille. Il a été éduqué dans sa famille. Par exemple, il a lu le Coran sur son grand-père. Naam, il a lu le Coran sur son grand-père. Et Mada, ça nous montre que c'était une famille dans laquelle il y avait une juïd. Et on ne va pas passer sur sa biographie, mais parmi les plus grands savants de qui il a pris l'ilm, naam, il y a l'imam al-mufassir Abdurrahman ibn Sa'di. Naam, un des plus grands savants du tafsir de notre époque, un des plus grands savants tout court de notre époque, ibn Sa'di. Puis lorsque le grand savant, le grand mufassir de cette époque, الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب الأدواء est arrivé et a transmis la science, الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى est parti demander la permission à son cheikh ibn Sa'di de partir étudier. Parce que ça, c'est un adab. Lorsque tu quittes une assise, tu sta'adab, tu demandes la permission. Que dire alors lorsque tu prends la science d'une personne et tu veux aller par la suite prendre la science d'une autre personne? Donc ça, c'est un comportement connu chez les étudiants et les talabat, chez les ulama et chez les étudiants. Donc il lui a demandé la permission. Lorsqu'il a vu chez Mohamed Al-Amin al-Shinqiti, il était très modeste. Naam, c'est un Mauritanien. Il l'a vu pas avec la tenue des savants qui étaient connus à l'époque, mais plutôt très modeste. Il a dit, subhanallah, j'ai laissé Ibn Sa'di pour cette personne. Et Ali, comme si on pouvait dire un bédou. Et lorsqu'il l'a entendu, il a su que c'était une personne très savante. À un point tel que Shir Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, le shir de nos mashayikh, a dit Kana ayatan min ayatillah fil himd. Shir Muqbil, rahimahullah ta'ala, dans sa biographie, parle de Cheikh Mohammed Amin Shinqiti. Il dit que parmi les choses les plus étonnantes qu'il a vues, fait de dunya. Et il dit c'était un signe d'Allah. Il dit c'était un signe d'Allah dans la mémorisation. كان يقرأ من حفظه في الدرس ولا يتتعتع ونقرأ من الكتب ونتتعتع. Il dit, il lisait, يعني il récitait de son hifz, de sa mémorisation. Il faisait cours, c'était que du par cœur. نعم. Cheikh Mukbil رحمه الله تعالى, Cheikh Mukbil est un grand savant du hadith, une grande mémorisation. نعم. Et là-bas, ça n'existe pas de faire le khutbah avec une feuille ou autre. نعم. Et il dit, nous on lisait du livre. Et on butait sur les mots, et lui, de sa mémorisation, il ne butait pas sur les mots. Il fait un cours d'histoire, le Cheikh, sans livre, subhanallah. Et lorsque tu reviens au livre, tu retrouves exactement mot pour mot tout ce qu'il disait. نعم. Et il est décédé avant d'avoir fini son livre le plus célèbre, Al-Adwa al-Bayan, ou bien Adwa al-Bayan, c'est Tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. Tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, c'est le plus haut niveau du tafsir. Expliquer le Qur'an, un verset du Qur'an par un autre verset du Qur'an, c'est le niveau le plus haut du tafsir. Ensuite, un verset par un hadith, c'est un des niveaux les plus hauts du tafsir. Parmi les tafsir, le tafsir bil-Lugha, par exemple avec la langue arabe, avec les athars des plus précieux, ainsi de suite. Lui, il a fait le tafsir le plus, dans la martaba la plus haute. Dans la martaba la plus haute. Il a appris donc la science de ces deux grands imams et de beaucoup d'autres. Na'am, de beaucoup d'autres. Il y avait beaucoup de savants à son époque. Et il a écrit beaucoup, beaucoup, de livres très profitables dans beaucoup de sciences. Dans la aqidah, il a écrit. Dans le fiqh, il a écrit. C'est un faqih. Dans le usul, il a écrit. C'est un usuli. Dans l'aura, il a écrit. Dans le balara, dans le nahu, et ainsi de suite. Na'am, dans beaucoup, beaucoup de sciences, il a écrit. Et parmi Mada, Parmi ses livres, non pas qu'il a expliqué seulement, mais qu'il a écrit. Ça, c'est son épître, à lui. C'est son livre. Na'am. Al-Qawa'id al-Musla. Al-Qawa'id al-Musla. Al-Qawa'id, jam'u qa'ida. Al-Qawa'id, c'est le pluriel du mot qa'ida. C'est un fondement, ou bien les fondements, ou les bases. Na'am, ça montre l'importance du sujet. Lorsque tu entends ça dans le titre, ça te montre l'importance du sujet. Comme Al-Qa'id al-Arba'a. Puis il nous dit Al-Muthla. Al-Muthla, ta'nithu l'amthal. Wa huwa ismu al-tafdil. Al-Muthla, c'est un superlatif, c'est le féminin de Al-Amthal. Al-Qa'id al-Muthla. Donc les règles sublimes, ou complètes, ou parfaites. Dans quel domaine? Fi sifatillah. Dans le domaine des attributs d'Allah. Wa asma'ihi al-husna. Et ses noms parfaits. J'ai oublié de citer la date du décès de l'auteur. Il est décédé le 15 du mois de Shawwal de l'an 1421. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, a écrit ce livre dans Yani qui comporte, qui enferme ce trésor. Quel est ce trésor? Des règles. Des règles dans le manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a. Des règles dans la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a. Des règles dans l'iman ou billah. Des règles dans l'iman ou billah. Des règles dans l'asma wa sifat. Et les ulama ont beaucoup écrit dans ce domaine car nombreuses sont les personnes et adeptes de l'innovation qui ont tenté de dénaturer la vérité qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée. En général, dans les titres ou dans les paroles, on trouve toujours Al-Asma et ensuite Al-Sifat. On trouve toujours les noms et ensuite les attributs. Ici, dans le titre, on voit les attributs puis les noms. Non. Peut-être que c'est Yani Mura'at al-Saj'a. Peut-être que c'est pour la rime. Peut-être que c'est pour la rime. Deuxièmement, les gens de science ont dit que Al-Khilaf al-Asma aqal min al-Khilaf al-Sifat. La divergence entre les musulmans dans les noms, elle est minime. Mais dans les attributs, elle est très répandue. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما وبعد L'auteur, rahimahullah ta'ala, a commencé en prenant exemple sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par khutbatul hajj. Puis il nous dit, wa ba'd, fa inna al-iman bi asma'illahi wa sifati ahadu arkan al-iman billahi ta'ala wa hiya al-iman bi wujudillahi ta'ala wa al-iman bi rububiyyati wa al-iman bi uluhiyyati wa al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, certes, la foi au nom d'Allah et en ses attributs est un des piliers de la foi en Allah. Vous savez tous, je continue sa parole d'abord, wahiya, et ses piliers sont la foi en l'existence d'Allah le Très-Haut, la foi en sa seigneurie, la foi en sa divinité, et la foi en ses noms et en ses attributs. Puis l'auteur explique cela. Donc, al-iman billah, c'est le premier pilier de la foi. Et l'iman, la foi repose sur six piliers, comme dans le hadith Jibril. Comme le hadith de Omar ibn al-Khattab, dans Sahih Muslim, connu sous l'appellation du hadith Jibril. Na'am akhbir 'an al-iman, qala al-iman an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa al-yawm al-akhir wa tu'mina bil qadari khayri wa sharri. Prophète sallam nous dit, la foi consiste à croire en Allah, ses anges, ses messagers, ou plutôt ses livres, ses messagers, le jour dernier, et la foi au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. L'auteur nous parle du premier pilier qui est le plus important. Il nous dit que l'iman ou billah comprend quatre points. Ça, c'est obligatoire. Tout le monde doit le connaître. Tout le monde le note, tout le monde l'apprend. L'iman ou billah comprend quatre points. Le premier point, l'iman ou biwujudillah ta'ala. Premièrement, tu dois croire en l'existence d'Allah le Très-Haut. Tu dois savoir qu'Allah existe. Deuxièmement, l'iman ou biuluhiyati. Deuxièmement, tu dois, ou plutôt rububiyati, tu dois avoir la foi quant au fait qu'Allah est unique dans ses actions envers ses créatures. C'est le seul créateur. C'est le seul propriétaire, c'est le seul gérant. Na'am. Tout ce qu'Allah fait envers ses créatures, il le fait seul, sans associé. Wal khaliq, al malik, al mudabbir. Et tout ce qui sera cité après cela revient de ces trois bases. Allah, c'est le seul créateur, le seul maître et propriétaire de tout ce qu'il a créé, et c'est le seul gérant dans sa royauté. Troisièmement, al-imanu bi-uluhiyati. Troisièmement, tu dois avoir foi quant au fait que c'est la seule divinité digne d'être adorée. Dhalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah wal 'aliyyul kabir. Na'am. Donc tu dois savoir que la ilaha illallah, nulle divinité digne d'être adorée excepté Allah. Et le quatrième point du iman billah, c'est l'iman bi asma'ihi wa sifati, le fait d'avoir foi en ses noms et ses attributs. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a des noms et des attributs qui sont parfaits. Na'am. Non sujets à l'imperfection, ni aux défauts, ni aux manquements. Qu'il a les noms les plus sublimes, les attributs les plus complets. Et rien ne lui est semblable. Tu affirmes tout ce qu'il s'est affirmé ou lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu affirmes tout ce qu'il a affirmé ou a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela entre dans la parole d'Allah. Ya ayyuhal ladhina amanu, aminu billah. Ô vous qui avez cru, ayez foi en Allah. Ces quatre points entrent dans l'iman billah. Ces quatre points entrent dans l'imanu billah. Puis l'auteur nous dit, manzilatul ilm bi asma'illahi wa sifatihi min ad-din. La place de l'étude ou bien de la science des noms et attributs d'Allah dans la religion. Ici l'auteur va nous exposer l'importance de ce qu'il va citer ici et du sujet qu'il est en train de traiter. Les ulama ont pour habitude, avant d'enseigner une science, de citer ses mérites. Car en cela, il y a un encouragement, une motivation et un affermissement pour celui qui étudie en face. Na'am. Et même pour celui qui parle en réalité. Il nous dit, premièrement, parmi ce qui nous montre l'importance de cette science, c'est que les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal sont une des trois formes du tawhid. Na'am. Et la chose la plus importante, c'est le tawhid. Il n'y a pas une personne qui entre inda ahli sunnah sans ressortir avec cette science au minimum. Sahalala. La chose la plus importante, c'est le tawhid. Ben, cette science et ce livre portent sur une des trois, sur un des trois points du tawhid. Sur un des trois points du tawhid, qui sont tawhid al-rububiyya, le fait d'unifier Allah, ou d'avoir comme croyance qu'Allah est unique, dans le fait d'être le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant. Et tout ce qu'il fait envers ses créatures, comme donner la vie, comme donner la mort, comme élever, rabaisser, enrichir, appauvrir, faire rire, faire pleurer, guider, égarer, et ainsi de suite. La deuxième forme de tawhid, c'est ce qu'on appelle tawhid al-uluhiyya. C'est le fait d'avoir la conviction ferme qu'Allah est le seul à mériter l'adoration, et donc de l'adorer seul d'un culte sincère. La troisième forme de tawhid, c'est l'unicité d'Allah dans les noms attribués, c'est le sujet du livre. C'est le sujet du livre, le fait d'affirmer tout ce qu'Allah s'est affirmé. C'est la perfection absolue, c'est l'on s'est attribué ses actions. Et le fait d'affirmer tout ce qu'Allah a rejeté. Les défauts, les imperfections, et ainsi de suite. Donc, le sujet est un des trois points du tawhid. Et ça, ça te suffit, si tu comprends et connais le tawhid, en partie seulement, pour te montrer l'importance de ce livre. Car il s'agit d'un des trois points du tawhid. فَمَنْزِلَتُهُ فِي الدِّينَ عَالِيَةٌ وَأَهْمِيَةٌ عَظِيمَةٌ. Sa place et son élévation dans cette religion est suprême. وَلَا يُمْكِنُ أَحَدًا أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ حَتَّى يَكُونَ عَلَى عِلْمٍ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ. Il nous cite un deuxième point très important. C'est que personne ne pourra adorer Allah de la manière la plus parfaite, la plus complète, tant qu'il n'aura pas eu connaissance de ce chapitre. Tant qu'il n'aura pas eu connaissance des noms d'Allah, le Très-Haut et de ses attributs. C'est-à-dire que plus tu connais Allah à travers ses noms et ses attributs, plus tu es un dévot et un adorateur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et rappelez-vous l'histoire de celui qui a assassiné les 99 personnes. Quand il est parti voir une personne qui était juste dans l'ibada sans science, et il lui a dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux me repentir? Il lui a dit non. Il l'a tué, il a complété le nombre de 100 avec lui. Lorsqu'il est parti voir une personne de science qui connaît Allah à travers ses noms et ses attributs, et il lui a dit, j'ai tué 100 personnes, est-ce que je peux encore me repentir? Il lui a dit, وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ تَوْبَتِكَ. Et qui est-ce qui pourrait se mettre entre toi et ton repentir? Naam, il a parlé avec cette science. Le fait qu'Allah se soit Tawwab, Al-Ghafoor, Al-Rahim, Naam Al-Ra'ouf, fait que tu ne désespères jamais de la miséricorde d'Allah et tu ne fais jamais désespérer une personne de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette science-là est une des sciences les plus importantes. Et plus tu la connais, plus tu seras pieux. Plus tu seras pieux et plus tu feras d'adoration acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous dit « Inna lillah tis'atan wa tis'in asmat » Mi'a illa wahid. Man ahsaha dakhala al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les mémorise entrera au paradis. Celui qui les mémorise, c'est pas juste la mémorisation comme on dit en français. Man ahsaha, ça veut dire trois choses. Connaître le nom, le mémoriser. Comprendre son sens et adorer Allah en fonction de ce qu'il y a dans ce nom. Je vous donne juste un exemple. Tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala c'est As-Sami'. L'audient, celui qui entend tout. Tous les sons. Tu connais maintenant ce nom, tu as compris ce nom. Al-Mudrik li jami' al-masmu'at. As-Sami' signifie celui qui entend l'ensemble des sons. L'ensemble des sons. Il reste un point. Walillah al-asma'ul husna fad'u biha. Tu dois adorer Allah avec ce nom. Comment? Invoquer Allah avec ce nom. Comment? Deux choses. Dua ibada, dua mas'ala. Dua mas'ala, c'est que tu vas demander à Allah en utilisant ce nom. Naam. Tu vas dire par exemple, je vais le dire en français, oh Allah, toi qui entends tout, naam, exauce mon invocation. Oh Allah, toi qui entends tout, naam, et réponds à ma demande. Hakada. Secours-nous, guide-nous, et ainsi de suite. Et dua ibada, comme tu sais qu'Allah entend tout, tu retiens ta langue de tout haram. Et comme tu sais qu'Allah entend tout, tu fais beaucoup de dhikr, tu lis beaucoup le Coran, tu recommandes le bien, tu proscris le mal, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle du ibadah, c'est adorer Allah avec ce nom. Naam. Il y a beaucoup d'exemples. Ça, et on n'est pas en train d'étudier le livre de manière détaillée. Inch'Allah, il y aura prochainement un programme en cours de science, qu'Allah nous facilite la concrétisation de cela, en dehors du du masjid. Et au programme, il y aura ce livre en détail, inshallah ta'ala. Ça va nous permettre cela. Donc, plus tu connais Allah à travers ses attributs, plus tu peux l'adorer. Plus tu peux l'adorer. Il nous dit encore, لِيَعْبُدَهُ عَلَى بَصِيرًا. Ah, yani, il ajoute, afin de l'adorer avec clairvoyance. Afin de l'adorer avec clairvoyance. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَى الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Dans Sourate Al-A'raf, le verset 180, Allah nous dit, selon la traduction des sens de ce verset, « Et Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. » L'auteur nous cite ce verset, puis il nous dit, « Cela englobe adorer Allah, ou bien invoquer Allah par la demande. » Par exemple, « Ya Rahim Irhamni, ô toi le très miséricordieux, fais-moi miséricorde. » Ça, c'est la dua de demande. Et la dua adoration, c'est comme on a cité l'exemple, tu sais qu'Allah entend tout, alors tu retiens ta langue et tu fais beaucoup de mal, du mal, et tu fais beaucoup de dhikr. Et tu dis beaucoup de bonnes paroles. L'auteur a détaillé cela. Il y a un point à ajouter, c'est que sharaful ilm bi sharafil ma'lum. Et ça fera quatre, pour montrer l'importance de cette science. Sharaful ilm bi sharafil ma'lum. Les ulama citent cette règle. C'est que la noblesse de la science Naam, a lieu en fonction de la noblesse de ce que tu étudies. N'est-ce pas? Lorsque tu étudies ce domaine, tu parles de qui? Tu parles de Rabbul Alamin. Tu parles d'Allah, le Seigneur des mondes. Tu parles de Maliki Yawmiddin, du maître du jour des comptes. Tu parles de l'Hayyul Qayyum, alladhi la yamut. Tu parles du vivant qui ne meurt jamais. Tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ahad al-samad, de l'unique, le seul qui mérite qu'on se dirige vers lui dans toutes nos affaires, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le sens de samad. Ça, c'est le sens de samad, celui qui a la perfection absolue, de telle à ce que c'est le seul qui mérite qu'on se dirige entièrement vers lui dans toutes nos affaires. Ça, c'est le sens du nom, al-samad, dans suratou al-ikhlas. Fadu'a al-mas'alati أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا مثل أن تقول يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمني يا حفيظ احفظني ونحو ذلك. Il nous dit dua, mas'ala, la dua de demande, c'est le fait de citer avant ton besoin, donc que ce soit avant, pendant, après, le nom, tu n'es pas obligé de le mettre au début, tu peux le mettre après comme c'est venu dans certains hadiths. Naam, comme c'est venu dans certains ahadith. Donc tu cites un nom qui a un rapport avec ta demande. Et tu demandes à Allah Azza wa Jal en citant ce nom. Par exemple, la traduction, ô toi le grand pardonneur, pardonne-moi. Ô toi le très miséricordieux, fais-moi miséricorde. Ô toi le protecteur, protège-moi. Et dua ibad an tata'abbada lillahi ta'ala bimuqtada hadil asma. Fatakumu bittawbati ilayhi annahu tawwab. وتذكر بلسانك لأنه السميع وتتعبد له بجوارحك لأنه بصير وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير وهكذا. Et dua d'adoration, c'est le fait d'adorer Allah selon le sens compris dans ses noms. Tu te repens à lui car c'est Tawwab, le grand accueillant au repentir. Ce que signifie Tawwab? Al-Hadi ila Tawba il-Muwaffiq. Al-Muwaffiq li-Tawba, thumma al-Qabilu laha. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-Tawwab, alladhi yuwaffiquka li-Tawba, thumma yaqbalu hadhihi at-tawbata mink. Que signifie al-Tawwab? Donc le shir nous dit, tu te repens à lui car Allah c'est al-Tawwab. Pourquoi est-ce que tu te repens à Allah? Parce que c'est al-Tawwab. Que signifie al-Tawwab? C'est celui qui te guide au repentir et t'accorde la réussite, l'envie de te repentir. Puis celui qui l'accepte de toi. Allahu Akbar. Puis celui qui l'accepte de toi. Qu'Allah nous facilite et bénisse notre temps pour qu'on puisse étudier les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadhkuru bi lisanika annahu samii'. Tu le cites avec ta langue, tu le mentionnes avec ta langue car tu sais que c'est l'audient. Et tu l'adores avec tes membres car tu sais que c'est le clairvoyant. Et tu le crains même lorsque tu n'es vu de personne car tu sais que c'est Al-Latif, Al-Khabir. Al-Latif, c'est celui qui est connaisseur des choses les plus subtiles. Al-Khabir, c'est celui qui est parfaitement informé. C'est celui qui est parfaitement informé. Et il faut faire attention dans ce domaine. C'est quoi? C'est qu'il ne convient pas d'invoquer Allah Azza wa Jal par un nom qui n'a pas de rapport avec ta demande. Tu dis pas, par exemple, Ya Jabbar, ô toi le dominateur suprême, fais-moi miséricorde. Tu dis non, tu dis Ya Rahim. Tu dis ô toi le très miséricordieux. Naam. Et tu dis, par exemple, Ya Wadud, Adimil mawaddata bayni wa bayna ahli. Tu vas dire par exemple Ya Wadud. El Wadud, c'est un des noms d'Allah Azza wa Jal qui a l'attribut d'El Wid. El Wid, c'est l'amour. C'est un amour. Hein? Amour, affection, ainsi de suite. Donc tu vas dire par exemple parmi tes doigts Ya Wadud. Naam. El Wadud, c'est celui qui est aimé de ses serviteurs et qui aime ses serviteurs. Naam, qui remplit certaines conditions. Donc toi tu vas, et c'est celui aussi qui répand l'amour entre les serviteurs. Donc toi tu dis, oh Wadud, parfait, et permets-nous toujours d'avoir de l'affection dans notre famille, par exemple. Naam, nombreux sont ceux qui se plaignent, entre lui et son épouse, entre lui et ses enfants, entre lui et ses parents. Il invoque Allah par le nom El Wadud. Par le nom Al-Wadud, il a un différent entre lui et son frère. Il demande à Allah Azza wa Jalla Al-Wadud de mettre l'affection, de mettre la mahabba. Wa hakada. Et lisez la fin de Sourate Maryam, il y aura la cause de cela qui sera citée. Donc ici, on a vu l'importance de cette science en plusieurs points. Le premier point, c'est ça entre dans un des points, des piliers de la foi en Allah. Le deuxième point, c'est que ça entre dans une des branches du tawhid. Tawhidullah fi asma'i wa sifati. Le troisième point, c'est que personne ne pourra adorer Allah de la meilleure façon tant qu'il n'aura pas connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs. Le quatrième point, sharaful ilm bi sharafil ma'lum. La noblesse de la science a lieu en fonction de ce qui est étudié. Et si tu étudies, tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une science donc plus immense et plus importante que celle-là. Un point tel que les cœurs ne peuvent se réformer. Vivre une vraie vie, être guidé dans ce bas monde et avoir la félicité dans l'au-delà, si ce n'est en connaissant Allah tabaraka wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs, comme le dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Après avoir vu cela, l'auteur rahimahullah ta'ala va nous citer pourquoi est-ce qu'il a écrit ce livre. Car les ulama n'écrivent pas pour écrire. Ils écrivent nasihatan lil muslimin, à la recherche de l'agrément d'Allah et pour conseiller, orienter les musulmans. C'est le jazan. L'auteur nous dit la cause de l'écriture de ce livre. J'écris ce livre à cause ou bien de par cette grande place, c'est-à-dire ce dont nous venons de parler, il y a peu. ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل والتعصب تارة أخرى. أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. وسميت القواعد المثلى في صفات الله تعالى واسمائه الحسنى. L'auteur nous dit qu'il a écrit ce livre car cette science, asma Allah wa sifati, c'est la plus grande des sciences, ça rentre dans le tawhid, ça rentre dans l'iman. Et tu ne pourras adorer Allah Azza wa Jal si ce n'est en le connaissant. Il nous dit également, car les gens ont parlé dans cette science, dans ce domaine, des fois avec des paroles de vérité et des fois fausses. Paroles de vérité, c'est ce qui est en conformité avec le Coran et la Sunna, et là, le chemin sahab. C'est Ahl Sunna. Naam, Ahl Athar. Et taratan bil batil, et des fois avec le faux, c'est Ahl Bid'a. Mil Jahmiya, wa Bid'a'um Kufriya, wa al-Maturidiya, al-Asha'ira, al-Mu'tazila, naam, wa kagayrihim. Il nous dit, lorsque les gens parlent et disent le faux, il y a deux causes. Des fois, c'est parce qu'ils sont ignorants, ils ont parlé et se sont trompés. Et des fois, c'est at-ta'assub, c'est le fanatisme. Ils suivent un shir aveuglément, ils se cramponnent, ils ont grandi dans une contrée, ils ne veulent pas sortir de ceux qu'ils ont connus. Ils ne veulent pas chercher si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est comme Allah a dit ou non. Non, ils restent cramponnés, accrochés. Le premier, c'est facile. Son remède, c'est la science. Dès qu'il va connaître, il va suivre la vérité. Mais c'est le deuxième, la calamité. C'est qu'il connaît la vérité, mais il ne veut pas la suivre. Il s'enorgueille. Il se met au-dessus de la vérité. Pourquoi ? Il ne veut pas changer. Il ne veut pas se corriger. Il veut rester sur la voie de ses ancêtres, ou bien la voie de sa ville, et ainsi de suite. Donc, il dit, j'ai voulu écrire quelques règles, selon ce qu'on m'aura facilité, en espérant d'Allah qu'il fasse que cette action soit sincère, à la recherche de son noble visage, et en conformité, c'est-à-dire avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ça soit conforme avec ce qu'Allah, ou plutôt que ce soit conforme avec ce qu'Allah agrée, et que ce soit profitable pour les serviteurs d'Allah. Il dit, j'ai appelé ce livre Al-Qawa'idu Al-Muthla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihi Al-Husna. On dit Al-Qawa'idu, c'est Al-Hikaya. Sinon tu dis Al-Qawa'ida, c'est maf'oul bihi, mais là tu dis Al-Qawa'idu, tu le laisses comme ça parce que c'est un titre. C'est ce qu'on appelle alal al-hikaya, comme un vers de poésie, par exemple. Un passage dans l'explication du shir, il dit فَالْجَاهِلُ أَقْرَبُ إِلَى الْاِسْتِقَامَةِ لَنَّهُ إِذَا كَانَ مُرِيدًا لِلْحَقِّ وَعُلِّمَ تَجِدْهُ قَدْ اِسْتَقَامُ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُتَعَصِّبُ. Shir dit une parole très profitable. Il dit, l'ignorant est plus proche de la droiture, car s'il cherche la vérité, dès qu'il va la trouver, il va la suivre. Alors que celui qui est fanatique, ça n'est pas le cas. Même s'il voit la vérité, il ne va pas la suivre. Comme les gens de la bid'a pour beaucoup d'entre eux. Et tu trouves que certaines personnes qui étaient dans la bid'a, lorsqu'ils ont connu le haqq, ils ont délaissé la bid'a. Comme Abu al-Hassan al-Ash'ari, Na'am al-Ash'ari, Taba, avant de décéder, il s'est repenti et il a dit, je suis sur l'aqidah de l'imam Ahmed maintenant. Ahl sunnah. Il a délaissé Na'am l'aqidah de l'Ash'ari. Naam, il a délaissé cela et il est revenu à la sunna, comme on le trouve dans certains livres de Ma'adha, d'imam de Ahl Sunna. Et comme ça a été le cas pour Al-Ghazali, naam, il y a deux Ghazali. Ça c'est un des deux. Un des deux. Il est revenu de Al-Falsafa. Il a délaissé cela et il a écrit un livre. Il a écrit un livre pour montrer que le chemin sur lequel il était, il est bâti. Car celui qui est dans le bid'a ou dans un mauvais chemin, quand il se repent, il doit exposer que le faux était le faux et dire que maintenant il est sur la vérité et l'enseigne. Naam. S'il a fait une khutbah, il a dit le faux, il doit remonter sur le minbar et dire que c'était faux, il dit le haqq. S'il a écrit un livre et il y avait du faux, il réécrit un livre, il dit le haqq. Naam. Et ça, ça ne diminue aucunement son rang. Pas du tout. Au contraire, Allah l'élève par cela. Et on a entendu parmi les plus grands savants de cette époque, dit ouvertement et en public, je me suis trompé dans telle question et je reviens de cela et je demande pardon à Allah et je remercie Allah, celui qui m'a guidé au haqq. Parmi les plus grands savants de notre époque. Et ça ne diminue en rien leur rang, si ce n'est auprès peut-être d'un ignorant. C'est ainsi que ça se termine son introduction. Il nous cite Al-Fasl Al-Awwal. Dans ce livre, il y a trois chapitres. Le premier chapitre, c'est des règles sur les noms d'Allah. Le deuxième chapitre, des règles sur les attributs d'Allah. Le troisième chapitre, des règles communes sur les noms, entre les noms et les attributs d'Allah. Puis il a fait un quatrième chapitre qui est Ash-Shubuhat, les ambiguïtés et la réfutation des ambiguïtés. Et là, tu vois le manhaj de Al-Sunnah. Tu exposes le haqq et tu l'enseignes. Naam. Puis tu exposes le batil et tu le réfutes. Et tu le réfutes. C'est la voie des prophètes et c'est la voie des messagers, c'est la voie du Coran. La première règle, on va s'arrêter sur ça. Donc il nous dit Al-Fasl Al-Awwal Qawa'idu fi Asma'illahi Ta'ala. Al-Qa'idatul Ula. La première règle. Asma'ullahu Ta'ala kulluha husna. Les noms d'Allah sont tous parfaits. Ay baliratun fil husn ra'ayatuh. C'est-à-dire que c'est le summum de la perfection absolue, après laquelle il n'y a plus de perfection. Qala Allahu Ta'ala wa lillahi al-asma'ul husna. Allah nous dit dans son livre, dans plusieurs endroits du Coran, notamment en sourate Al-A'raf, verset 180, selon la traduction des sens, à Allah appartient les plus beaux noms. Wa dhalika li'anna mutadhamminatun li sifatin kamila. La naqsa fiha biwajhin min al-wujuh, la ihtimalan wa la taqdira. Il nous dit rahimahullahu ta'ala, pour expliquer que les noms d'Allah Azza wa Jalla sont tous parfaits, il nous dit, ceci car ils comprennent des attributs qui eux-mêmes sont parfaits, non sujets à la moindre imperfection. Et cela de toutes parts, ils sont parfaits de toutes parts. Et on ne peut supposer, ni même imaginer la moindre imperfection dans l'un de ces attributs. Donc les noms d'Allah Azza wa Jalla sont tous parfaits. Car chaque nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala comprend au minimum un attribut, ce dernier étant complet, parfait, exempté de toute imperfection et de tout défaut. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala c'est un exemple comme le nom d'Allah Al-Hayy. Et il a cité plusieurs versets. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث تصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا مهداة مهتدين اللهم اغفر لنا ولآبائنا